Bonjour. Aujourd'hui, une émission intitulée « Les Indo-Européens, réalité éclairante ou mythe dangereux ?» Une émission diffusée une première fois le 5 décembre 2015. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Les Indo-Européens sont un peuple préhistorique sur lequel nous n'avons aucun renseignement direct. Nous ne savons même pas exactement où ils habitaient. Quelque part entre la Baltique et la mer Noire, entre l'Oural et le Danube. Tout ce que nous pouvons dire... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Le sujet que nous allons aborder ce matin, je devrais peut-être dire affronter, est assurément d'actualité tant on l'aperçoit sous-jacent dans bon nombre de débats et comportements contemporains. Mais en fait, il n'a pas cessé, depuis 2 ou 3 siècles, de piquer les curiosités et de susciter les passions entre rêverie, enthousiasme et ignominie. Il s'agit de la question des Indo-Européens, posés comme étant à l'origine de notre civilisation occidentale et de son éventuelle spécificité. Jean-Paul Demoule, professeur de proto-histoire européenne à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, y voit le mythe d'origine de l'Occident. C'est le sous-titre d'un livre impressionnant d'érudition et de liberté qu'il a publié l'année dernière et qui s'intitule « Sans cacher son jeu, mais où sont passés les Indo-Européens ?» Par quoi il nous prévient qu'il ne nous offrira, à l'issue de 740 pages intenses, aucune certitude conclusive, ni même l'esquisse d'une thèse englobante, mais qu'il fera la chasse à toutes les dérives intellectuelles, morales et civiques qu'il discerne dans cette histoire d'une histoire telle qu'elle s'est dessinée à la rencontre de la linguistique, de l'archéologie et de la biologie. Une histoire étonnamment révélatrice des relations entre la science en marche et les sensibilités collectives qui l'entourent et qui ne cessent jamais de peser sur elle. Jean-Paul Demoule est devant moi. Pendant que les as de la France perdent leur temps un peu partout, dans les congrès et les conférences, pour ne résoudre rien du tout. Moi j'ai résolu le problème qui veut de la guerre la suppression, en me basant sur le système de l'internationalisation. Par exemple, dans ma famille, j'avais 8 sœurs qui étaient 8 filles qu'on n'arrivait pas à caser. Eh bien, mon père vient de les marier. Ma sœur Noémie, un Hidalgo. Ma sœur Pulchérie, un Arbico. Ma sœur Eulalie, un Espagnol. Ma sœur Euphémie, un grand Mongol. Ma sœur Euphrasie, un Écossais. Ma sœur Nastasie, un Javanais. Ma sœur Eugénie, un Suédois. Et la grosse Julie, un Iroquois. Et ça formera l'embryon de l'internationalisation. Dans 9 mois, ces petites familles, comme leur sang sera régénéré, auront sûrement 8 autres filles d'un tempérament bigarré. Et ces filles feront comme leur mère, dès que l'âge le leur permettra. De très bonne heure, car les rosières se marient jeunes dans ces races-là. Mais pour respecter ma tactique, elles choisiront leur pratique, chacune dans une autre nation. Donc voici l'énumération. Celle de Noémie prendra un chinois, celle de Pulchéry prendra un danois, celle de Lali prendra un anglais, celle de Fémy un martiniquais, celle de Frasie prendra un roumain, celle d'Anastasie un américain, celle de Génie un sénégalais, celle de la grosse Julie un petit congolais. Ce sera la seconde génération de l'internationalisation. Naturellement, ces mariages se feront partout réciproquement. Jaunes et noirs, blancs et sauvages se mélangeront maritalement. Les gosses changeront de territoire et en feront d'autres un peu partout. Ce qui fait que dans la prochaine histoire, il n'y aura plus de peuple du tout. Et comme on ne s'y reconnaîtra guère, ce sera ma cache pour faire la guerre. Car de mes sœurs, trois fois maman, voici ce que seront les enfants. Ceux de Noémie, franco-italiano-chinois, ceux de Pulchéry, arbicoto-franco-danois, ceux de Lelali, franco-anglico-espagnol, ceux de Lefémy, martinico-franco-mongol, ceux de Lefrasie, écosso-franco-roumain, ceux d'Anastasie, franco-javo-américain, ceux de Legénie, suédo-franco-sénégalais, ceux de la grosse Julie, roco-congolo-français, vivement qu'on la mette en action, l'internationalisation. Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Je vous ai fait entendre une chanson de Gaston Ouvrard, interprétée par Gaston Ouvrard en 1935, une chanson de Jules Combe et Louis Bousquet qui s'appelle « L'internationalisation », 1935. On se demande d'ailleurs à l'écouter si c'est une chanson qui marque une sorte d'inquiétude ou de déploration, ou au contraire, une espèce de manière joyeuse de dire que les exacerbations du nationalisme sont à prohiber et sont inquiétantes. Des années où on pouvait peut-être encore essayer d'être optimiste, mais ça n'a évidemment pas duré tellement plus longtemps, et où l'auteur s'affrontait à ce problème de la variété des identités et des nations et essayait de trouver une manière d'en sortir. En même temps qu'on voit que le terme de race paraît encore normal à cette époque, et symétriquement qu'il n'aborde pas d'ailleurs la question des langues, mais on peut supposer qu'avec le mélange qu'il propose, le programme politique qu'il propose, on aboutirait peut-être à une langue internationale. Le mot de race, d'ailleurs, a été utilisé pendant très longtemps et oui. Il apparaît comme haïssable qu'à partir du nazisme. Oui. Et encore, on voit que Léon Blum l'utilise dans les années 1948-49, notre race, à propos des Juifs. Donc oui. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Hein. En effet. Là n'est pas l'essentiel. Ce qui m'a frappé en lisant votre livre majeur, Jean-Paul Demoule, c'est que vous avez pu le commenter dans une interview que vous avez donnée au Point un jour, en disant les Indo-Européens sont un sujet intéressant, mais uniquement pour les sociologues. Autrement dit, ils ne le seraient pas pour les linguistes, les archéologues, les biologistes. Vous avez été un peu provocant. Vous détestez pas d'ailleurs être un peu provocateur. À partir du moment où ça peut permettre d'avancer, pas quand c'est de la provocation gratuite, effectivement. J'y songeais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est d'abord un problème d'histoire des sciences, des relations entre sciences et politiques et sciences et société. Et que on peut mettre directement en relation l'émergence de cette affaire indo-européenne avec des événements intellectuels et historiques de fond. Le fait qu'à partir du moment où la Bible baisse en crédibilité au XVIIIe siècle, jusque-là, c'était l'explication du monde, et l'explication d'ailleurs de l'origine des langues, et qui devait toutes dériver de l'hébreu, puisque Dieu parlait en hébreu au paradis. À partir du moment où s'ouvre un espace, eh bien, l'Europe chrétienne, qui était confrontée depuis des siècles à une situation schizophrénique, de devoir son mythe d'origine aux Juifs, qui étaient les boucs émissaires, avec cette idée que les langues, cette notion de langue indo-européenne qui est développée à partir du moment où on va découvrir la langue ancienne de l'Inde, le sanskrit, à la faveur de la colonisation française et anglaise de l'Inde, et bien que plutôt que les Juifs, ça pourrait être l'Inde qui serait les bons ancêtres. Alors comme très souvent, lorsque surgit un modèle, un événement intellectuel ou scientifique majeur, on recherche son point de départ. Il y a la baignoire d'Archimède ou la pomme de Newton. Là, pendant longtemps, on a attribué cette découverte à un personnage curieux qui s'était William Jones, un administrateur colonial, qui a prononcé en 1786 une étonnante conférence. Il était administrateur à Calcutta et donc il y avait une société savante qui permettait de rassembler la communauté anglaise autour de discours savants et fait une conférence qui est indéfiniment citée dans l'historiographie anglo-saxonne où il dit il y a des ressemblances entre la langue ancienne de l'Inde, le sanskrit, et puis le grec, le latin, les langues germaniques, les langues celtiques. Et donc, tout ça prouve que toutes ces langues ont dû venir d'une source commune. Et il est vrai, quand on lit William Jones, il y a des phrases qui sont frappantes, puisqu'il dit dans sa conclusion, les hindous ont une immémoriale affinité avec les anciens perses, éthiopiens et égyptiens, phéniciens, grecs et tuscans. Les tuscans? C'est les étrusques. Grecs et tuscans, scythes ou goths, et celtes, chinois, japonais et péruviens. Nous pouvons assurément conclure qu'ils proviennent tous d'une quelconque région centrale dont l'identification fera l'objet de mes prochaines conférences. Je ne sais pas si il les a identifiés dans ses conférences ultérieures. Il est mort peu de temps après et effectivement on cite toujours le début de ce texte mais jamais la fin. Le paragraphe ultime que vous venez de citer qui montre simplement que William Jones se situe dans une tradition de comparatisme échevelé et que donc prétendre que c'est l'inventeur du concept indo-européen, c'est un peu abusif. Les Français ont toujours un inventeur méconnu, en l'occurrence c'était un jésuite, le père Cœurdoux, qui 20 ans avant écrit à l'Académie des inscriptions des belles-lettres en disant c'est quand même frappant les ressemblances entre le grec et le sanskrit. On lui répond négligemment mais c'est simplement le passage d'Alexandre et tout ça n'a aucun intérêt et l'Académie publiera finalement la lettre au 19e siècle, il sera déjà trop tard. Et encore avant, Leibniz avait fait des remarques au tout début du 18e siècle qui allaient dans le même sens. Il y avait même un jésuite, Thomas Stephens, qui avait comparé dès 1538 la structure du latin à celle des langues indiennes. Et les similitudes, je vois, entre le perse et l'allemand avaient été remarquées au 16e et 17e siècle, ce qui confirme que la linguistique... Oui. Est une des bases fondamentales de cette immense question des Indo-Européens dont nous parlons ce matin. S'il n'y avait pas eu la linguistique, c'est-à-dire ces correspondances entre un certain nombre de langues, les archéologues ne se seraient jamais posé le problème de la préhistoire et de la proto-histoire de l'Europe dans ces termes. C'est les linguistes qui nous ont dit, nous on pense qu'il y a un certain nombre de langues qui se ressemblent, donc il doit y avoir une langue mère, comme les langues romanes viennent du latin. Donc il y a dû y avoir un peuple quelque part, donc trouvez-nous ce peuple, puisqu'il y a un moment où il faut passer à la réalité matérielle. Donc là, c'est le travail de l'archéologie. Et donc les archéologues se mettent en marche pour essayer de trouver le peuple en question, mais ça vient de la linguistique. Et donc, sans dévoiler la conclusion, on peut se dire que si on ne les trouve pas dans la réalité, peut-être que c'est le problème de départ qui est mal posé. Surtout, ne dévoilez rien, car nos auditeurs, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, nous quitteraient un continent. Bien sûr. Peut-être faut-il d'entrée de jeu... résumer ce qu'est la doxa, très répandue sur les Indo-Européens, encore jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Et pour cela, je vais vous faire entendre un propos d'un grand linguiste, dont vous avez suivi les cours, oui. Me dites-vous, Michel Lejeune, qui s'exprime en mai 1951 sur les ondes de la radio d'État. Toutes ces langues sont des transformations divergentes d'une seule et même langue originelle, dont on est en droit d'affirmer l'existence, bien qu'on n'en ait aucun témoignage direct. Et, comme une langue n'existe que dans une nation qui la parle, on peut affirmer du même coup l'existence d'une nation indo-européenne qui a essaimé au cours des temps sur une vaste partie de l'ancien continent. Voilà donc une nation tirée par la comparaison linguistique de l'obscurité de la préhistoire, une nation d'il y a 5 ou 6 000 ans et dont les destinées devaient largement déterminer pour des millénaires l'histoire du monde. Il y a plus. La grammaire comparée nous apprend sur cette nation des choses très précises et intéressantes. Les Indo-Européens n'avaient pas de mots pour désigner la mer, car les noms de la mer varient d'une langue indo-européenne à l'autre. Il s'agissait donc à l'époque de l'unité d'une nation continentale. On la situe dans les vastes plaines de l'Est de l'Europe. Elle possédait des termes pour la chasse, pour la pêche, pour l'agriculture, mais elle n'en avait pas pour désigner le bronze ou le fer. Les noms de ces métaux diffèrent d'une langue indo-européenne à l'autre. C'était donc à l'époque de l'unité une population de civilisation néolithique, etc. On voit par là quelle clarté la grammaire comparée a pu projeter dans l'ombre ou la pénombre de la préhistoire et de la proto-histoire. Je me hâte de dire, Jean-Paul Demoule, que si ce propos est de 1951, ce n'est pas en 1951 que vous avez suivi les cours de Michel Lejeune. Il n'empêche que vous en avez été marqué, mais peut-être à certains égards par contraste, non ? Du point de vue de la linguistique du grec ancien, c'était un linguiste tout à fait remarquable. J'ai pas suivi ses cours développant la question indo-européenne. Sinon, vous croiriez aujourd'hui que les indo-européens sont un peuple unique, venu d'un lieu unique, etc. Oui. Ouf. Alors, quelle est votre réaction à ces propos qui ramassent, au fond, une doctrine très largement répandue pendant très longtemps? Qui continue à l'être en partie. Une des choses qui l'expose, c'est ce qu'on appelle la paléontologie linguistique, c'est-à-dire le fait qu'on va voir s'il y a des mots qui sont communs à l'ensemble des langues indo-européennes et ça devrait désigner donc les réalités qui étaient présentes. Alors, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de mots pour la mer. Or, dans toutes les théories actuelles, il y en a trois principales. Les font venir du bord de la mer, soit de la Baltique, soit de la mer Noire, soit du bord de la mer Égée. Donc ce qui est vrai en 51 n'est plus vrai en 2015. De même, il dit qu'il n'y a pas de mot pour le cuivre, alors que beaucoup de linguistes pensent qu'au contraire, il y a un mot pour le cuivre, etc. etc. C'est dommage parce que ça paraît assez logique, c'est assez séduisant cette idée, puisqu'il n'y a pas de mot, il n'y a pas de connaissance d'eux. Oui, bien sûr. Mais on a remarqué que par exemple, il y avait des mots communs pour la main, mais pas pour le pied, pour la neige, mais pas pour la pluie. Donc, c'est simplement, les voyages des mots est toujours extrêmement complexe. Cette méthode, qui avait été inventée par un érudit suisse, Adolphe Pictet, continue à être utilisée, mais avec des hauts et des bas. Par exemple, dans les années 30, elle était presque abandonnée, et puis actuellement, elle est revenue. La grammaire comparée, c'est d'abord une science allemande? Je me suis demandé pourquoi, pendant tout le 19e, c'est une science allemande et ça n'intéresse ni les Français ni les Anglais. Alors, on pourrait dire parce que les Allemands sont un peuple érudit et sérieux et travailleur. Et donc c'est un stéréotype, vous abandonnez au stéréotype, l'espagnol est farouche et l'italien frivole. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a paru un peu insuffisant. Comme ce qu'il y a derrière cette question indo-européenne, c'est la question de l'identité européenne et de l'origine. Les Français savent ce que c'est d'être Français. Et les Anglais aussi, ils ont un territoire depuis 1000 ans, des frontières. Le français en plus est la langue de communication de toute l'Europe cultivée. Alors qu'être allemand au 19e siècle, ils sont éclatés en une multitude d'états, d'empires, de principautés. Donc la seule chose qui définit le fait d'être allemand, c'est de parler l'allemand. Et d'ailleurs, en Allemagne, on ne va pas dire indo-européen, on dit indo-german, indo-germanisch. Et même encore actuellement, dans les universités les plus sérieuses, et les chaires sont des chaires d'indo-germanistique. Donc c'est les indo-germains. Et cette question de la langue sera tout à fait importante. Et d'ailleurs, le premier à introduire la grammaire comparée en France à la fin du 19e siècle, Michel Bréal, a fait ses études en Allemagne. Donc après, ça va se développer au 20e siècle, ça va devenir un sujet scientifique. Mais à l'origine, pendant tout le 19e siècle, c'est une science allemande. Il y a un rapprochement d'ailleurs intéressant avec la botanique, parce que l'exemple de la réflexion sur l'évolution des végétaux, notamment, peut-être par un effet de proximité, de voisinage, d'imitation, peut-être repris du côté de la biologie des langues. Oui, c'est ce modèle biologique qui est sous-jacent très vite et qui va l'être jusqu'à nos jours. Et c'est même extrêmement frappant. Après la première génération de la grammaire comparée, notamment l'allemand Franz Bopp, la deuxième génération, c'est August Schleicher, qui est un botaniste de formation, qui est celui qui introduira Darwin en Allemagne, qui est très lié à Ernst Haeckel, qui est le zoologue. Schleicher va être le premier à oser tracer un arbre des langues indo-européennes, qui n'a pas tellement changé depuis, et va réfléchir constamment suivant ce modèle biologique. Or, les langues ne sont pas des objets biologiques naturels qui se reproduisent entre elles, c'est des objets matériels portés par les humains comme n'importe quel autre objet matériel. Alors, ce Schleicher, emporté par son élan, a tenté de reconstruire les mots de la langue primordiale, Urssprache. Oui. Et ce qui nous donne un résultat qui est assez piquant. Pour la première fois dans cette émission, je le dis avec quelques solennités, nous allons vous offrir de l'indo-européen primitif. Assez brièvement, parce que c'est difficile à comprendre, mais voici la fable « Le mouton et les chevaux » qui est en proto-indo-européen, 1868, l'auteur étant Schleicher. Écoutez, c'est assez surprenant. Ho is hekwoipios weokid. Dekamonum specior, hekwomsque hageti, kermoi agnutor. Hekwos tu weokund. Cludi, ho we, tod speciomes, uns me agnutor ker. Dekemo, potis, se hauis hoch nach quermo. Est-ce que j'ose vous demander de nous traduire cet indo-européen primitif, ce proto-indo-européen, Jean-Paul de Moule, qui est en fait une version plus récente de Schleicher, non? Schleicher l'a écrit dans une langue qui reste assez proche du sanskrit quand il reconstruit le proto-indo-européen. Et les auditeurs que ça intéresse, s'ils tapent Fab de Schleicher sur Internet, ils verront qu'il y a une douzaine de versions, dont un certain nombre très récentes et qui sont très différentes les unes des autres. Nous mettrons un lien sur notre site. Donc c'est un mouton qui voit des chevaux, qui tire un chariot et ils le plaignent d'avoir à faire ce dur travail. Et les chevaux lui répondent, mais toi on va te tondre la laine, c'est pas mieux. Et le mouton se sauve en courant. Voilà. Vous parlez couramment l'indo-européen primitif. Oui, bien sûr. Et donc celui-là du linguiste anglo-saxon Bird, dont on a reconnu effectivement l'accent anglais, et sa version à lui. Mais si vous comparez les versions dans les quelques dernières années, vous verrez qu'on est encore très loin d'avoir un consensus parmi des linguistes reconnus, un consensus pour reconstruire cette langue primitive. Donc on ne peut pas dire qu'on en est là. Un autre aspect de la question, c'est celui des débats sur l'origine de ces Indo-Européens, ce berceau initial. Vous parlez de façon assez plaisante de berceau à roulettes. Autrement dit, on a beaucoup bougé. Oui, parce qu'on a appliqué effectivement consciencieusement et on continue à appliquer les propositions de la paléontologie linguistique expliquait Michel Lejeune tout à l'heure pour essayer de le fixer. Et en gros, toute l'Eurasie a été proposée, des bords de la Baltique et même au pôle Nord, jusqu'à l'Inde proprement dite, sans jamais arriver à quelque chose de concluant. Mais il y a quand même une espèce de logique qui court tout au long du 19e, c'est qu'on part de l'Inde, effectivement, on se déplace ensuite vers l'Asie centrale, avec des gens comme Pictel, Bactriane, etc. Puis on arrive aux steppes du nord de la mer Noire, une théorie toujours très vivace, hein, mais qu'avait déjà proposé Leibniz au début du 18e siècle. Et puis à la fin 19e, dans la version indo-germanique, les philologues et archéologues nationalistes allemands vont dire c'est les bords de la Baltique, c'est la Scandinavie, les vrais indo-germains, c'est les germains, c'est la Clara, c'est le plus pur, et ils sont partis de là pour... Bien sûr. Ce Pictet que vous évoquez tout à l'heure, ce linguiste... Suisse est celui qui a insisté le premier sur le berceau indien, puisqu'il parle des Aryas qui auraient été, d'après les plus anciens textes de l'Inde, les Védas, qui auraient été nobles et pieux et qui auraient par conséquent imposé leur supériorité à d'autres peuples. Ben, c'est le terme d'Arya qui est issu des textes védiques où on parle des nobles qui sont les nobles pieux qui sont les Aryas. Et c'est ce terme d'Arya qui va être repris et qui va servir souvent de synonyme d'indo-européen. Au 19e siècle, dans une acceptation d'ailleurs assez large, les anthropologues français vont l'employer très indifféremment aryen et indo-européen. Et puis ensuite, ça va prendre une tournure plus précise sous le nazisme et sous Vichy également, de manière beaucoup plus récente. Mais ça vient simplement de ce terme Arya, à l'origine, où les textes disent que les Aryas sont les gentils, se battent souvent contre des méchants qui sont les Daïsias. Et donc, on a supposé que ces légendes sacrées avaient une réalité historique et auraient désigné l'arrivée des Indo-Européens en Inde, conquérant tout le nord de l'Inde. D'où cette idée que Arya et Indo-Européen, ça voulait dire la même chose. Et donc, Pictet reprend ce terme d'Arya. On est au milieu du 19e siècle et il n'est pas modéré dans ses propos. Notre Pictet, votre Pictet, je vous l'abandonne. Les Aryas primitifs seraient une race destinée par la Providence, à dominer un jour le globe entier, privilégié entre toutes les autres par la beauté du sang et par les dons de l'intelligence au sein d'une nature grandiose, mais sévère. Il parle d'une race féconde qui travaillait à se créer une langue admirable, par sa richesse, sa vigueur, son harmonie et la perfection de ses formes, etc., etc. Oui, ça a le mérite d'être explicite, c'est-à-dire que ce qui est sous-jacent, c'est bien expliquer à l'époque où l'Europe part à la colonisation de l'ensemble du monde, expliquer ce destin particulier des peuples d'Europe qui ne peuvent provenir que justement d'une origine, d'un point origine qui serait ce peuple particulier. Et ça va évidemment peser très lourdement sur la suite, et ça continue derrière les enjeux scientifiques qui peuvent être parfaitement honorables et parfois argumentés, il y aura toujours sous-jacent cet enjeu-là. Alors quel est le lien avec l'adamisme, enfin avec les origines du christianisme, avec la Genèse, avec l'idée qu'on est parti du paradis terrestre, d'un point unique, il y a une rivalité qui s'installe forcément, ou peut-être un effort de synthèse. À la fois, effectivement, le modèle indo-européen va servir d'alternative comme origine. C'est plus les Juifs dont on va être redevable, mais en même temps, c'est la même matrice intellectuelle. C'est cette idée d'un point d'origine, d'une création ponctuelle et aussi d'un paradis perdu. Parce que on va répéter, comme le disait aussi le jeune, comme le disait Tadot, on était bien, quoi. C'était une espèce de paradis et puis finalement on se disperse. Et pourquoi est-ce qu'on s'est dispersé? Il y a cette idée effectivement d'une forme de chute. Alors certes, on s'est dispersé pour conquérir, parce qu'on serait des guerriers, comme dans beaucoup de théories. C'est quand même la matrice biblique, la tour de Babel aussi, qui va expliquer l'éclatement des langues, qui est restée sous-jacente dans la pensée des savants européens. Pour apprécier cette sorte de généralisation d'une idée commune à ce propos sur les Indo-Européens. Écoutez donc cet extrait d'un mémoire sur l'origine européenne des Aryas qui est dû au sanskritologue belge Joseph van der Ghen, que vous connaissez bien naturellement, qui a été présenté, je parle du mémoire, à Paris en 1888. C'est une lecture de Georges Kless sur France Culture, bien sûr, le 24 août 2014. Il y a plus de 20 ans qu'un original eut l'idée subite de transporter la patrie primitive des Aryas en Europe. Un professeur de Göttingen s'appropria cette trouvaille, je ne sais par suite de quel caprice, et un spirituel amateur de Francfort plaça le berceau de la race aryenne au pied du Taunus et fit de son mieux pour achever le tableau. La nouvelle thèse fit son chemin en Allemagne, et en un instant, elle renversa totalement les termes de la question. C'était de l'Europe qu'étaient partis les Aryas, et c'était de là qu'ils étaient allés coloniser l'Asie. La race aryenne possède deux types physiologiquement bien distincts. L'un renferme les Aryas, bruns ou noirs, l'autre les blonds. Le grand débat qui s'est agité entre les archéologues et les anthropologistes a été de savoir lequel de ces deux types était véritablement celui de la race aryenne. Le comte de Gobineau a prétendu que seuls les Aryas blonds représentaient la race. Or, le berceau de ces Aryas blonds doit être placé au cœur de la Russie d'Europe. En effet, dans la contrée marécageuse de Rokitno, arrosée par le Pripyat, la Bérézina et le Dniepr, la nature, comme les hommes, est atteinte d'albinisme. Les animaux y ont une robe blanche. Les feuilles et les écorces des arbres y sont décolorées. Telle est, messieurs, l'histoire de la théorie des Aryas européens. Pour être enseignée isolément par des esprits plus aventureux que solides, cette théorie est loin d'avoir pris pied dans la science. À mon sens, ces vues s'accordent surtout avec les rêves d'une imagination très développée. Pourtant, depuis 2 ans, cette théorie a un regain d'actualité. Et il faut bien admettre, messieurs, qu'elle est soutenue avec plus d'ardeur que jamais. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Des esprits plus aventureux que solides, Jean-Paul Deboulle, on en trouve en assez grand nombre dans le champ de cette histoire fantasmatique des Indo-Européens et en même temps dans l'histoire de ces efforts d'interprétation sérieux et scientifique. Et l'histoire est certainement pas terminée. Ce qui est en filigrane dans cet extrait, c'est effectivement la guerre entre les savants français, les savants allemands sur l'origine. On est au plein cœur effectivement de la raciologie et des mesures de crâne. La phrénologie. La Société d'anthropologie de Paris est fondée en 1859 par Broca. Et c'est pas n'importe qui. Si on parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous une zone de Broca dans le cerveau. Ça, c'est un grand succès de réussir à pénétrer l'intitulé des parts du cerveau pour un savant. Ça peut consoler le fait que ces doctrines, et notamment ces oppositions à Pasteur, sont assez dépassées. Oui, d'autant plus qu'il s'était beaucoup engagé sur ces problèmes de mesure de crâne. Il était allé jusqu'à déterrer nuitamment dans un cimetière basque espagnol des crânes de basques, une cinquantaine de crânes de basques qu'il avait volés parce qu'il voulait mesurer justement les basques et voir comment ils étaient différents. Il y a des craniographes, des craniophores, des cranioscopes, des craniostats. Plus on mesurait, on est arrivé jusqu'à 5000 mesures sur un même crâne, moins évidemment on arrivait à faire de groupes, puisque comme il n'y a qu'une espèce humaine, on n'arrivait pas à faire de limites. C'est bien qu'à la fin du 19e siècle, les anthropologues sérieux abandonnent la notion de race. Et un des principaux élèves de Broca, Paul Topinard, dira « la race n'existe pas ». Et les races, à partir de la fin du 19e, début du 20e, devient simplement un objet idéologique. Les anthropologues biologiques vont se retourner vers la génétique et vers d'autres choses, mais on abandonne la mesure de crâne et la couleur de la peau et des cheveux. Mais ça va continuer plus ou moins dans un certain nombre de pays. Les résurgences aujourd'hui seraient à chercher du côté de l'ADN, par exemple ? On va essayer, pendant les années 70-80, on essayait d'utiliser le QI aussi, pour, notamment aux États-Unis, pour voir s'il y avait des différences d'intelligence suivant les races, entre guillemets. Puis maintenant, c'est la génétique qui est la reine dans ce domaine. Le QI est une invention assez récente ? Début 20e, en partie française, avec Binet, et au départ plutôt dans une bonne intention pour repérer l'échec scolaire. Mais ça va être exploité notamment en Angleterre à la suite de Galton pour, au contraire, essayer de justifier des inégalités parmi les populations. C'est là qu'on trouve la grande opposition entre ce qu'on peut appeler le polygénisme et le monogénisme. Est-ce qu'on vient, c'est toujours la question, d'un foyer unique qui se serait dispersé, ou est-ce que la diversité était d'origine ? Oui, on a un modèle avec un point origine et un modèle arborescent de type botanique, ou bien on a un modèle plus complexe, un modèle en réseau, comme les sciences en ont de plus en plus. C'était une question qui a été posée dès le 19e siècle par des linguistes allemands, mais y compris par des élèves de Schleicher, comme Hugo Schurart ou comme Johannes Schmidt, qui ont proposé d'autres modèles et des modèles de contact de langue, ce qu'on appelle souvent en français maintenant la linguistique aréale. Réal, c'est-à-dire par sorte de foyer, des aires culturelles. Oui, par convergence plutôt que par divergence. La réalité est sans doute quelque part entre ces deux modèles. Enfin, vous considérez que ce modèle arborescent, centrifuge en quelque sorte, invasionniste, est en grande partie à rejeter ou en tout cas à considérer comme frappé d'obsolescence, j'essaie de parler scientifique. Oui. Ce n'était pas une obsolescence programmée au départ en tout cas. Le problème est qu'effectivement il n'est pas validé par l'archéologie, qui est le seul moyen de le valider dans les faits concrets. Effectivement, il a ses racines dans les mythes bibliques de la création du monde, de la chute et de la tour de Babel. Donc c'est pour ça qu'il faut aller effectivement vers des modèles beaucoup plus complexes. Quelle part a cette tour de Babel où s'affirme le drame de la diversité des langues dans cette histoire des Indo-Européens? Ça reste le modèle sous-jacent de départ. C'est-à-dire, il y a forcément une langue unique, et puis après, il se produit quelque chose et ça éclate. On ne peut pas concevoir d'autres phénomènes plus compliqués. Alors, il faut maintenant en venir, Jean-Paul Demoule, à cette première moitié du XXe siècle, qui est celle de la représentation d'un Urfolk, d'un peuple unique, indo-européen, qui aurait vocation à être conquérant, à être guerrier. Et on voit un certain nombre de savants, de linguistes ou de biologistes se mettre au service du nazisme, en train de s'affirmer avec son eugénisme et aussi avec sa prétention à une domination des autres races inférieures. Je vais vous faire écouter un propos d'Alexis Carrel, qui a eu des fonctions considérables à l'époque de Vichy. Il s'exprime là en février 1942. C'est 30 ans plus tôt qu'il a eu le prix Nobel de médecine. Le docteur Alexis Carrel, qui vient d'être nommé directeur de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains, déclare à notre micro. Le maréchal ne se préoccupe pas seulement de gouverner, mais aussi de prévoir loin. Et rien n'importe plus actuellement que de prévoir la destinée de la population. Le maréchal entend résoudre ce problème, non seulement avec des lois et des décrets, mais aussi en s'appuyant sur des études scientifiques et des résultats expérimentaux dans le domaine tant de la biologie que de l'habitat ou de l'économie. C'est pourquoi la Fondation française pour l'étude des problèmes humains a été chargée de l'étude sous tous les aspects des mesures les plus propres à sauvegarder, améliorer, développer la population française dans toutes ses activités. La tonalité est d'époque et le propos est clair. Le propos est parfaitement clair, même s'il est exprimé de manière soft. Ça aboutira à la, même au décès de malades mentaux handicapés dans des institutions de Vichy et évidemment à toute la politique antisémite de Vichy. Mais peut-être faut-il remonter un peu en arrière, jusqu'à la fondation de la grammaire comparée. Dans la mesure où, pour reprendre le texte de Pictet de tout à l'heure, chez un certain nombre de philologues, on fait juste de la philologie, mais comme disait Pictet, c'est une race exceptionnelle. Donc il y a cette idée de race exceptionnelle et de justification par la linguistique et la préhistoire de destin particulier, d'où cette idée de sauvegarder la race en question. Et avec l'eugénie qui naît à la fin du 19e siècle avec l'hygiénisme et la face sombre de Pasteur et de l'hygiène, c'est cette idée qu'il faut préserver la race des races inférieures. Et c'est le modèle indo-européen qui va le couvrir. Alors c'est parfois, on m'a fait dire qu'au nom de ces détournements, toutes les études indo-européennes seraient frappées d'ignominie. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est mise au point. Oui. C'est un miroir grossissant d'une des possibilités du modèle. Alors on trouve Saussure avec sa grammaire structurale, on trouve aussi Antoine Meillet, qui lui est un Français. Pour lui, l'indo-européen serait un aristocrate guerrier. Oui, donc Saussure s'intéresse d'abord aux langues, à la grammaire comparée. C'est un Suisse qui est de la famille de celui qui a conquis le Mont Blanc. Le Mont Blanc, effectivement, qui a sponsorisé la première ascension du Mont Blanc à la fin du XVIIIe siècle. Grande famille protestante genevoise. Saussure s'intéresse d'abord aux langues indo-européennes, mais va ouvrir largement et est considéré comme un fondateur de la linguistique moderne, qui naît effectivement de la grammaire comparée, même si son ouvrage de référence, le cours de la linguistique générale, a été écrit à partir des notes de ses élèves. Et Antoine Meillet va être son élève français, professeur au Collège de France, qui meurt en 1936 et qui va dominer les études indo-européennes pendant le premier tiers du 20e siècle. Il écrit une introduction à la grammaire comparée des langues indo-européennes, la première édition est en 1903, et où il remarque que les études indo-européennes sont arriver à un terme indépassable. Donc on considère à cette époque-là que tout est réglé. Et la vision de Meillet, elle est double. Ça fait partie de ce que j'appelle parfois le double langage des indo-européanistes. Parce que Meillet commence en disant l'indo-européen, c'est simplement un système de correspondance entre des sons de différentes langues, des formes grammaticales de déclinaison, de conjugaison dans différentes langues. Donc jusque-là, tout va bien. Mais vers la fin du livre, ça devient oui, mais quand même, il y a dû y avoir une nation indo-européenne, et cette nation, c'était forcément des chefs, parce que l'indo-européen est une langue de chef, puisque l'indo-européen a conquis l'ensemble de l'Europe et d'une partie de l'Asie, notamment cette idée de conquête, parce qu'on les voit toujours pas archéologiquement, donc ça veut dire que c'était des espèces de chefs qui politiquement manipulaient et s'assuraient leur domination. Donc on va avoir ces deux, et jusqu'à maintenant, des moments où on dit « Ah ben moi je fais de la linguistique, ce n'est qu'un problème linguistique et je ne sors pas de la linguistique », mais il y a quand même en arrière-fond cette idée des troupes guerrières conquérantes. Et puis toujours des liens avec, avec l'archéologie et avec, avec la biologie, qui c'est un élément constant. C'est les trois ou quatre disciplines qui sont sans arrêt convoquées. Mais Yev va loin, il explique qu'il s'agit de chefs, d'organisateurs qui imposent le prestige d'une aristocratie, une vision sociale aussi, de l'héritage de l'indo-européisme. Et puis naturellement, l'étape suivante, eh bien, c'est le nazisme à quoi il faut arriver, puisqu'on a beaucoup agité l'idée du rôle fondamental des Indo-Européens au temps d'Hitler. Et alors vous nous dites que même si dans Mein Kampf, on trouve des allusions explicites à ce mythe Indo-Européen, Hitler n'y croyait pas vraiment, contrairement à son séide Himmler. Oui, Himmler, lui, versait même dans le paranormal. On a accueilli une expédition qui prétendait retrouver les Indo-Européens originels dans le Tibet, était aidée par des mages et des voyants. Il a une espèce de mage autour de lui, justement, qui s'appelle Viligout. Dont l'ascendance remontait aux Aryens primitifs il y a plusieurs centaines de milliers d'années. C'était à l'intérieur de tout le service culturel de la SS, qui s'appelait Ahnenerbe, héritage des ancêtres, où il y avait aussi une section archéologique. Et il y a une section sur le paranormal. Mais Hitler, lui, était juste un démagogue et un politicien, donc il a exploité l'antisémitisme, et dans le texte testament qui dicte sous les bombes de Berlin, il reconnaît que les Juifs ne sont pas une race au sens anthropologique du terme, mais simplement un état d'esprit. Vous citez dans votre ouvrage, Jean-Paul de Moule, un propos qu'a tenu Hitler devant Albert Speer, un de ses collaborateurs, l'architecte les plus proches. Il disait « Pourquoi attirer l'attention du monde sur le fait que nous n'avons pas de passé ? N'est-ce pas assez que les Romains aient élevé de grands bâtiments lorsque nos ancêtres vivaient dans des huttes en terre ? Tout ce que nous prouvons par cela est que nous lancions des haches de pierre et rampions près de foyers à ciel ouvert au moment où la Grèce et Rome avaient déjà atteint l'apogée de leur culture. Nous devrions réellement faire de notre mieux pour rester silencieux sur ce passé. » Alors, je ne sais pas si Speer traduit fidèlement le propos d'Hitler, mais ce n'est pas impossible. Oui, certainement, parce qu'il y a chez les nazis deux options. Les uns qui disent que les seuls vrais Indo-Européens, c'est les Germains, et donc les autres sont plus dégénérés. Et puis il y en a d'autres qui pensent que quand même on peut pas effacer les Grecs, mais les Grecs plutôt la version qu'on appelle les Doriens, donc les Spartiates. Et Hitler va être de ce côté-là, parce que Hitler, c'est un peintre académique au départ. Il aurait dû rentrer à l'Académie des Beaux-Arts et l'Histoire du monde en aurait peut-être été changé, mais donc il a cette formation-là. Donc pour lui, ce que les préhistoriens allemands exhument du sol, ça le frappe pas beaucoup. Donc il a cette position-là, effectivement, que... En privé Oui, en privé, évidemment. Oui. C'est une époque où tant en Allemagne que dans les pays dominés par le nazisme, on développe systématiquement le thème des Indo-Européens. Oui, bien sûr. Oui. Tout en choisissant, bien sûr, le lieu de l'origine, parce que ce berceau continue à tourner en rond et aller un peu partout. Pour les Allemands, c'est nord de l'Allemagne, la Scandinavie, donc les bords de la Baltique. Et dans une version encore plus extrême, ça serait même le pôle Nord, hein, qui a été développé déjà par un érudit hindou qui s'appelait Tilak au début du XXe siècle. Et ça va être repris par certains archéologues et justement dans la tendance un peu paranormale, ésotérique du nazisme, l'idée que ça pourrait même, il y aurait eu une espèce d'Atlantide engloutie. C'est ce qu'on croit, Himmler, apparemment. Oui, et Rosenberg aussi dans le mythe du XXe siècle, c'était toute cette idée-là. Et on la retrouve dans certaines littératures de l'extrême droite contemporaine aussi, cette idée du Grand Nord. Rosenberg est un idéologue du nazisme qui a eu de l'influence. Oui, qui a créé le mythe du XXe siècle, qui fera partie des gens qui seront pendus à Nuremberg. Alors évidemment, cette période où le thème de l'indo-européisme a été compromis par le nazisme aboutit forcément à ce que pendant un certain temps, eh bien, une distance soit prise par rapport au thème des Indo-Européens dominant à partir d'un foyer unique le monde occidental et expliquant la supériorité en gros quand même de l'homme blanc. Et puis vous observez qu'à partir des années 1970, cette période de viduité est dépassée et que ressurgissent de façon quasiment cyclique un certain nombre des thématiques antérieures. Il y a eu une génération de silence après 1945. Il y a des linguistes qui travaillent, mais uniquement dans le champ de la linguistique, et la plupart des archéologues s'en occupent très très peu. Et c'est à partir des années 70 que Conjointement, on voit de nouveau certains archéologues s'y intéresser, comme l'archéologue lituano-américaine Maria Gimbutas, plus tard l'archéologue, le grand archéologue anglais Colin Renfrew, qui est toujours actif, oui. Et symétriquement aussi que cette idéologie-là, mais de manière plus souterraine, va également être reprise par certains courants de l'extrême droite contemporaine dans différents pays. On passe directement de l'anthropologie raciale à l'anthropologie biologique, qui est par exemple très, très vivante apparemment au Japon. Oui, parce que comme au Japon, ils n'ont pas commis le même génocide à une si grande échelle que les Européens, il n'y a pas eu cette disqualification. Les mesures de crâne se poursuivent jusqu'au Japon. Quand on visite les grands musées, l'archéologie très populaire au Japon, on peut même rentrer ses caractéristiques physiques et voir si on est plutôt côté de la civilisation la plus ancienne qu'on appelle le Jomon, entre moins 10 000 et moins 500 avant notre ère, ou plutôt la civilisation d'après, qu'on appelle le Yayoi. Donc c'est un peu comme si on essayait de savoir si on est plutôt préhistorique ou plutôt gaulois ou plutôt franc en rentrant ses caractéristiques dans un écran interactif. Donc ça paraît un peu étrange, mais effectivement ça subsiste là-bas. À telle enseigne qu'on voit ressurgir récemment ces arbres généalogiques qui avaient poussé si fort dans la période antérieure au 19e siècle. Oui. Avec une rencontre cette fois-ci entre les gènes et les langues. Comme on a abandonné les mesures de crâne, on a travaillé sur d'autres choses. Alors génétique, c'est pas récent, hein. C'est le moine Mendel et les lois de Mendel, c'est 19e siècle, même s'ils seront un temps oubliés. Mais maintenant, la génétique a fait beaucoup de progrès et beaucoup de progrès techniques à tel point qu'on est capable d'extraire de l'ADN ancien de certains squelettes. Pas toujours, c'est plus ou moins bien conservé. Et puis il faut prendre beaucoup de précautions, sinon on risque de retrouver son propre ADN sur les os qu'on analyse. La génétique a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là toutes ces dernières années. Alors avec des excès symétriques, d'autant plus que ces analyses sont très chères, jusqu'à 60 000 euros une seule analyse. Donc quelquefois, les généticiens ont tendance à exagérer la portée de leur découverte. On peut d'ailleurs en l'occurrence faire une réflexion assez générale sur les motifs pour lesquels des recherches, plus que d'autres, sont médiatisées. Il faut probablement que elle soit facile à comprendre, si possible, oui. Qu'en même temps, elle s'appuie sur des instruments très sophistiqués et un peu mystérieux, oui. Et puis qu'on rejoigne un grand mythe. C'est ça, c'est les trois conditions. Si vous avez ça, vous êtes sûr d'avoir votre article publié, non seulement publié dans les revues américaines Nature ou Science, mais ensuite diffusé dans le monde entier. Il faut faire sa place ici à l'influence d'un penseur français considérable, qui est Georges Dumézil. Et je voudrais vous faire entendre un propos qui est antérieur à ce renouveau de la réflexion sur les Indo-Européens, mais qui est porté par quelqu'un qui s'en est constamment préoccupé depuis les années 1920 et qui a une influence facilitée par son éloquence, par une personnalité forte et par une connaissance de dizaines de langues. Georges Dumézil s'exprime dans l'Heure de culture française le 20 mai 1955. On n'est qu'à 10 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Indo-Européens sont un peuple préhistorique sur lequel nous n'avons aucun renseignement direct. Nous ne savons même pas exactement où il habitait. Quelque part entre la Baltique et la mer Noire, entre l'Oural et le Danube. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a existé. Que son existence est la seule explication plausible du tableau que nous constatons quand l'histoire lève son rideau depuis l'Atlantique jusqu'au Turkestan et à l'Indus, depuis la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée et au Golfe Persique. Sur ces immenses territoires, des peuples parlent des langues diverses mais apparentées, qui postulent une même langue prototype, un même ancêtre commun, aussi sûrement que l'existence et les analogies du français, de l'espagnol, de l'italien, du roumain postulent le latin. Et l'unité de langue n'exige certes pas l'unité de race, mais elle n'est pas concevable sans un minimum d'unité politique à un moment donné. Les Indo-Européens étaient donc un peuple. Un peuple qui, pour une raison inconnue, a éclaté, s'est dispersé en bandes conquérantes aux quatre points cardinaux, vers la fin sans doute du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et ce peuple, comme tout peuple, avait des institutions. Nous pouvons, dans une assez large mesure, non pas reconstituer ces institutions dans leurs détails pittoresques, mais en déterminer le type, la structure, par la comparaison des institutions qui se laissent observer au seuil de l'histoire chez quelques-uns de ce qu'on appelle les peuples indo-européens, c'est-à-dire dérivés des bandes conquérantes issues elles-mêmes de l'unité indo-européenne. Dumézil, au début de sa notoriété, même de sa gloire, Jean-Paul de Moule, il a encore publié et rayonné pendant une trentaine d'années. On trouve là un personnage majeur. Qui au début est contesté par l'université la plus officielle, qui commence un peu comme justement comme un personnage marginal, mais qui, après quelques années, rentre au Collège de France, à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, et même à l'Académie française. Donc ça a été longtemps un personnage un peu intouchable, qu'on pouvait difficilement réfuter. Le thème de la trifonctionnalité, ce n'est pas seulement social, c'est aussi un système de pensée. C'est même d'abord, au début, il pense que c'est social parce qu'il s'inspire des castes indiennes, les trois castes principales, les brahmanes, donc les guerriers ou kshatriyas, et puis ceux qui travaillent. Les producteurs, oui. Alors on lui a dit, mais c'est vrai, la plupart des peuples, qu'il y ait des prêtres, des guerriers et des paysans. Oui, il y en a partout. Et alors il va dire, oui, mais seuls les Indo-Européens auraient été les seuls à l'exprimer comme un système global de compréhension du monde. Et évidemment, c'est là que c'est beaucoup plus contestable parce qu'on va retrouver cette organisation trifonctionnelle jusqu'en Corée et au Japon, ce que Dumézil a admis en disant que oui, bah alors ça devait être des emprunts, mais alors, à ce moment-là, si on peut emprunter, tout devient possible, et que symétriquement, les Hittites, peuple parlant une langue indo-européenne, sont une religion, les principaux caractères sont orientaux, et puis surtout la Grèce, qui n'est pas du tout le système des dieux grecs, de la pensée grecque, n'est pas du tout trifonctionnelle, dans sa grande majorité, au point que Dumézil va dire bah, c'est justement ça le génie grec, c'est d'avoir échappé à la contrainte de ces trois fonctions. Donc le problème, c'est que effectivement n'importe quoi devient explicable ou c'est pas réfutable, ça ne retire rien à ce qu'il a mis en valeur, par exemple de ressemblances, de thèmes mythiques qu'on va retrouver dans la région germanique ou à Rome, mais c'est l'explication globale avec le point origine unique qui est à mettre en cause. Ce qu'il a montré, c'est que des mythes se promènent, de même que des formules poétiques se promènent, de même que des objets de prestige se promènent entre les aristocraties de l'âge du bronze au deuxième millénaire avant notre ère, mais ça ne peut pas suffire à valider l'idée du point origine. Que les mythes se promènent souvent, c'est ce que vous avez démontré à propos des Indo-Européens dont vous faites un mythe d'origine. Mais après vous avoir suivi, vous avez beaucoup démoli dans votre livre, ce qui a pu être dit, porté ou colporté par les savants et par le grand public. Vous nous dites que ce sont surtout les sociologues, je vous citais tout à l'heure, qui peuvent être intéressés plus que les savants. Il n'empêche qu'on a envie, à la fin des fins, de vous dire, mais alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que l'on peut tâcher d'esquisser, même si, évidemment, la recherche n'en est peut-être qu'à ses balbutiements sur les Indo-Européens. Est-ce que vous pouvez ne pas nous laisser sur une absolue incertitude quant à cette question de l'origine de nos civilisations et de nos peuples? Ce qui reste, c'est des ressemblances, des correspondances indéniables entre ces langues dites indo-européennes qui se ressemblent plus entre elles qu'elles ressemblent aux langues sémitiques ou aux chinois, aussi bien ces thèmes mythologiques que l'on retrouve. Tout ça, ça reste, c'est une matière comme l'archéologie qui montre un certain nombre de contacts dans cette espèce de presqu'île qu'est l'Europe, où les choses n'ont cessé de se mélanger au fil des millénaires. Je pense qu'un jour, on aura une explication à peu près globale et convaincante, mais qui sera où pouvait y avoir ponctuellement des arbres, comme dans le cas des langues romanes, mais même dans le cas des langues romanes, le roumain, par exemple, c'est un tiers de mot slave, donc on voit bien que c'est plus complexe que ça, c'est pas juste... Le latin, oui. Comme l'arborescence, oui. À partir du latin, effectivement. Ça donc existe, Il y a eu des phénomènes d'arborescence, ça et là, il y a eu des phénomènes de conquête, ce n'est que des parties de ça. Il faut imaginer des systèmes en réseau et de mélange pendant des millénaires pour expliquer ces ressemblances, sachant en plus que ce qui a surnagé, c'est quelques-unes de ces langues. Il nous en manque énormément, comme il nous manque énormément de mythologie. Il faudra arriver à l'asseoir effectivement sur l'archéologie. Pour l'instant, on en est encore relativement loin. Mais si vous rejetez l'idée de guerrier à cheval arrivant brusquement et dominant des pasteurs, des hommes qui s'adonnent encore à la cueillette, alors comment ça s'est passé? Parce que on continue à s'interroger sur le fonctionnement de ces influences qui ont été linguistiques, sociales, politiques, et qui ont installé à chaque moment des hiérarchies sociales dont vous vous préoccupez beaucoup. Si on a souvent supposé ces guerriers conquérants, aussi bien Meillet que Georges Dumézil tout à l'heure, c'est à la fois parce qu'on s'est dit, s'il y a ces langues partout, c'est forcément des conquérants, mais aussi parce qu'on ne les voyait pas archéologiquement. Il y a des choses qu'on voit archéologiquement. On voit l'Empire romain, même dans 3000 ans, les archéologues pourront établir que ça a existé. Donc c'est pour ça qu'on supposait. Le problème historique, c'est que les bandes de guerriers conquérants, elles disparaissent en général dans la masse de la population. Par exemple, on est en train de parler français à cause des Francs, mais les Francs ils sont arrivés avec Clovis et ils se noient en quelques générations, ils perdent leur culture, leur religion, leur langue, et ils ne restent plus dans le français descendant principalement du latin que quelques mots issus du franc. Et même chose pour les Vikings, les Bulgares, etc. C'est ce modèle-là qui, effectivement, ne marche pas historiquement. Et là encore, sans vouloir noyer le poisson, il y a pu y avoir de temps en temps des phénomènes de conquête ou de migration un peu massive, mais sinon, je n'ai pas d'explication complètement satisfaisante de la manière dont ça a pu se passer. Il faut penser que ces sociétés proto-historiques sont de petite taille et que les langues étaient extrêmement diverses. Justement, Hugo Chourard disait que si on allait de village en village, on pouvait aller de Rome à Paris sans jamais rencontrer de limite, alors que l'italien et le français sont standards, sont relativement différents. Pourquoi ? Parce que les langues changent d'un petit groupe à l'autre, se mélangent, que tout le monde est multilingue dans les sociétés traditionnelles. Donc il ne faut pas raisonner suivant le modèle des langues standards des États-nations, qui sont un phénomène qui ne date que du 19e siècle. Le phénomène de l'État-nation a beaucoup pesé sur l'élaboration du mythe des Indo-Européens tel que vous le décrivez. Oui, parce que c'était la seule manière de penser à cette époque, alors que l'État-nation, c'est une conception très récente qui date que de la fin du 18e, de la Révolution et du romantisme. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Votre livre s'appelle « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Le mythe d'origine de l'Occident, est paru au Seuil en 2014. Et puis vous avez donné aussi un autre ouvrage et qui est d'un grand intérêt, qui s'appelle « On a retrouvé l'histoire de France », dont on dispose maintenant en folio, une publication chez Gallimard de 2012. Parce que il faut dire que je ne l'ai pas fait encore, que vous avez dirigé pendant une dizaine d'années l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive. Et que du même coup, vous avez vu se renouveler profondément la connaissance que l'on peut avoir. C'est ce que vous nous dites dans ce livre, très très varié, qui est fait un peu comme une mosaïque avec des interrogations conjuguées. On a profondément modifié l'idée que l'on peut se faire, en particulier de la période pré-romaine dans notre pays tel qu'il existe aujourd'hui. Ce renouvellement, c'est donc l'archéologie préventive, c'est ces fouilles qu'on fait avant les grands travaux d'aménagement, les autoroutes, les lignes de TGV, les parkings, et c'est maintenant 90% à peu près des fouilles archéologiques. On a réalisé 25 000 fouilles de cette façon. Dans les dernières décennies, oui, effectivement, les moyens de l'archéologie préventive ont explosé, mais on était très en retard en France. 600 archéologues professionnels à la fin des années 70, 3500 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc quand même, vous ne pouvez pas vous plaindre que la nation n'ait pas développé les moyens de rechercher ce passé, même si vous nous dites que c'est un peu tard, parce qu'on a gâché beaucoup de sites avant 1990. Oui, quand on sait que maintenant on découvre un site archéologique important au kilomètre sur une autoroute, tout le grand réseau autoroutier s'est construit sans aucune fouille archéologique. Mais effectivement, depuis qu'il y a ces fouilles à grande échelle et avec des moyens convenables, ça a renouvelé entièrement nos connaissances. Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 5 décembre 2015. La semaine prochaine, toujours en rediffusion, vous pourrez réécouter une émission intitulée « Sunnites et chiites, pourquoi tant de haine ?» avec Gabriel Martinez-Gros. « C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux et aussi de Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archivina, Nathalie Durand. Dans quelques instants, nous retrouverons Étienne Klein pour la conversation scientifique.